Radioton de CKRL, un rendez-vous culturel axé sur les découvertes et la création. Faites un don pré-Radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-Radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88 640 2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. Bienvenido à casa. Québec. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. 89. C'est KRL. Je ne suis pas porté à l'autoflagellation. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, encore pour cette semaine, 2 heures de bon rock progressif. On est à une semaine de la visite du groupe italien The Watch. Et on va en parler, on va avoir un petit bloc... une première demi-heure sur The Watch avec plusieurs pièces intéressantes. Vous savez que le groupe The Watch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de l'Italie qui sont spécialisés dans les interprétations de Genesis, qui est leur groupe de prédilection. Et puisque le chanteur Simone Rossetti a un vocable qui fait penser pas mal à Peter Gabriel, mais sans nécessairement être une imitation, là... conforme là, comme peut l'être le groupe du Québec de Musical Box qui se spécialise vraiment dans la reproduction exacte de ce qui est de ce qui était les concerts de Genesis. Dans le cas de The Watch, c'est vraiment personnalisé, c'est leur style, c'est leur son, puis ils adaptent ça à leur façon et ils seront donc c'est présenté par Terra Incognita au Centre d'art La Chapelle et ils seront donc jeudi et vendredi pour un hommage à Genesis avec l'intégrale de l'album Seconds Out qui dans lequel c'était Phil Collins évidemment qui chantait et non Peter Gabriel. Alors ça, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est un concert qu'ils ont présenté pendant toute l'année dernière en Europe, énormément de représentations, donc ils sont très rodés comme on dit, excusez l'anglicisme. Alors ça risque d'être absolument excellent, puis ils tenaient absolument à venir au Canada nous présenter ce concert. C'est une occasion unique de les voir, il y en aura plus après pour cette tournée. Donc, The Watch plays Genesis les 3 et 4 donc avril, jeudi, vendredi prochain au Centre d'art de la Chapelle. Et le 5 avril, c'est The Watch plays The Watch. Alors là, ils jouent leur pièce. Et, The Watch a réalisé 6 albums en carrière, plus un disque sous le nom de The Night Watch, qui est paru en 97. Ensuite, le groupe a changé de nom pour The Watch. Ils ont réalisé 6 albums de 2001 aujourd'hui, 2014, puisque vient de paraître au mois de février l'album Tracks from the Alps. Et on aura ce soir 2 nouveaux extraits de cet album. On vous en a déjà fait jouer 3 extraits, oui, c'est ça. On aura 2 extraits, dont une pièce inédite, qui était inédite en fait de Genesis, une pièce qui a jamais été endisquée

plumet de chaleur belle. Arthur de Chaveur, Lysus Bandoué. Now, do you this futile brings such a tears. I'm not hiding my face and I cling to all myself. Sometimes looking from the treetops, everything the same. Sat in my great shame, where we once played a game. Ruins our lives today, my horror breeds dismay. Sharing my dust and decay. I watch alone and I try to be brave. This world is now dying in my Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. Ciao a tutti, ici Marco Cagliari, parrain d'honneur du Radioton de CKRL. Soyez à l'écoute du 4 au 6 avril et soyez donne généreux, hein? Non son cieco, ma non ho visto. Hai abusato della mia fiducia tutte le volte che mi hai rubato. CKRL présente Caroline and the Stars Above. I got my mojo working, but it just won't. Au Bal du Lézard, le 5 avril. Caroline and the Stars Above. Au bal à 21h. $5 à l'entrée. And business is good. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. CKRL est une espèce unique dans notre monde. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. De tout temps, des milliers de mélomanes se sont donnés pour mission de vous faire découvrir de nouveaux univers musicaux et ont atteint l'ultime frontière que les autres radios n'ont jamais osé franchir. Un monde en apparence inaccessible. Au-delà de nos perceptions traditionnelles. Du 4 au 6 avril, c'est le Radioton de CKRL, tourné vers l'avenir. Mathieu Dugal, Benoît Roberge, Raymond Poirier, Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît, Caroline and the Star Above, Olivier Bercelli, Odile Dupont, Vincent Gagnon, Laurent Patnaud, Jean-Sébastien. Il est absolument impossible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. De retour avec Bruno et Marc et pour l'émission Terra Incognita. Donc, si on l'a entendu juste avant la pause, c'était le groupe The Watch de l'Italie, donc pour toute la demi-heure. Et la plus récente pièce, la dernière qui a joué, c'était tirée de Tracks from the Alps. Leur plus récent album, c'était la pièce On Your Own. Il y avait eu juste avant la pièce The Watch, tirée de Timeless, leur précédent album. On avait également eu la pièce de Last Mile, tirée de Tracks from the Alps également. Et la pièce The Third of Fifth, en spectacle, donc The Watch, qui interprétait cette pièce en 2011 durant leur Green Show. Et qui seront donc invités par Terra Incognita à Québec, donc de l'Italie à Québec, pour nous présenter leur hommage à Genesis pour l'intégrale de Seconds Out, les 3 et 4, donc jeudi et vendredi prochain au Centre d'Arles-la-Chapelle, et samedi, donc, ça sera The Watch Plays The Watch. Ils nous interpréteront des pièces de leurs 5 ou 6 des plus récents albums, donc. C'est très très très rare que The Watch présente un concert avec que leurs pièces. Là, ils sont très très très occupés avec leur hommage à Genesis. Ils sont très en demande. Ça va très bien cette année en Europe. Ils vont pratiquer The Lamb Lies Down on Broadway, leur nouveau spectacle. Mais là, ils nous présentent ce spectacle qu'ils ont roulé en Europe durant toute l'année 2013. Donc, c'est à ne pas manquer. Et si vous achetez le billet pour, il y a une promotion. Si vous achetez le billet pour le spectacle du jeudi. Pour l'hommage à Genesis avec The Watch, vous aurez un billet gratuit également pour aller les voir le samedi. Et samedi prochain, mais comme vous le savez, c'est le Radioton, c'est KRL ici. Et samedi, après le spectacle, The Watch seront ici en entrevue avec Stéphane Villeneuve à l'autoroute. Donc, juste après le spectacle, The Watch sera ici. Et c'est pas impossible qu'ils fassent des pièces en concert, là, des pièces live, mais c'est pas sûr encore. Mais c'est sûr qu'ils vont être ici en entrevue après le spectacle, donc, de samedi prochain. Parlant de spectacle, il y a la convention Terra Incognita qui s'en vient, le deuxième grand événement organisé par Terra Incognita ce printemps. Donc, les 16, 17 et 18 mai prochains au Centre d'Arles-la-Chapelle, c'est vraiment notre rendez-vous. Avec, donc, le 16, il y a Is qui vient nous présenter leur nouvel album, un spectacle d'une durée de 2 heures. En première partie, il y aura Inner Odyssey, qui est de Québec, et également Gadi Kaplan, qui fera une courte prestation d'une quinzaine de minutes. C'est un guitariste d'origine israélienne qui habite à New York et qui sera là pour nous interpréter. Il est un excellent guitariste, donc il va ouvrir la soirée. Probablement qu'il y aura une pièce de groupe connu tel... Pink Floyd, Welcome to the Machine ou quelque chose comme ça. Donc, un court spectacle, Inner Odyssey ensuite, et Is, ça c'est le 16, le 17, donc il y aura Néodyme de Montréal. C'est leur premier concert, c'est leur deuxième concert à Québec en fait, et il y aura également des États-Unis Third Degree et également Glass Hammer. On entendra une pièce tantôt de leur nouveau disque, un nouvel extrait qu'on n'a pas encore entendu à l'émission de Ode to Echo. On aura également donc le 18 mai, le dimanche, c'est Sonus Umbra qui ouvre donc la journée. Ils sont des États-Unis et originaires au début. En fait, c'était originaire du Mexique, ce groupe-là, mais maintenant c'est un groupe américain. Il y a également donc le duo italien avec Unreal City et Fabio Zuffanti qui vient nous présenter ses 20 ans de carrière en musique avec Finistere, La Maschera di Cera, Ostsonaten. C'est des spectacles à ne pas manquer au Centre d'art de la Chapelle. Wow! Bon, alors, passons en musique. En première partie de The Watch cette semaine, donc pour les trois concerts, il y aura le groupe de Québec, Isos. On les a vus en entrevue. Ils sont venus en entrevue également la semaine dernière avec Vincent. Plutôt avec Jacques aux Illusions Auditives. Donc Vincent Leboeuf Gadreau qui joue également dans Inner Odyssey. Donc on le verra en première partie de Is avec Inner Odyssey. Et là, il a réalisé un album solo, un projet solo, Vincent Leboeuf Gadreau, Isos, l'album Loving and Standby. Donc, on entendra une pièce de cet album. C'est la pièce Loving and Standby Part 1, I'll Be Waiting. Ça sera poursuivi, donc, de Glass Hammer. Laissez-moi prendre leur nouvel album. Il est excellent, puis la pochette est très belle. Ode to Echo. On écoutera la pièce I Am I, une pièce dans laquelle il y a l'écho et le narcissique qui se répondent. Alors, il y a un concept dans ça. C'est probablement leur meilleur album, là. C'est leur 15e album en carrière depuis 1993 pour Glass Hammer et excellent. Donc, on y va tout de suite avec Isos et Glass Hammer. Used to being so powerless.

Yeah.

le groupe américain Cirrus B, tiré de leur plus récent album The Search for Joy. Ça vient tout juste de sortir, une nouveauté. Donc, et c'était la pièce Waking Wild. Et c'est un album étonnant, là, qui est assez rock. Il y a beaucoup de pièces douces, mais il est beaucoup quand même plus rock, là. Faut dire qu'au départ, Cirrus B, c'est un duo. Finalement, là, ça prend des proportions intéressantes. Le plus récent, Whimsical Weather, est un album qu'on a fait jouer plusieurs fois, à plusieurs reprises, et franchement, c'est à surveiller. Donc, Cirrus B. Une autre nouveauté pour ce soir, le groupe canadien Drock Farben, c'est un groupe de Toronto. C'est leur second disque, Second Sound. On écoutera la pièce An Answer Dreaming, et on poursuivra avec le groupe italien Unreal City, tiré de leur premier album La Crudeltà di Aprile, un groupe qu'on verra ici à la convention, donc la 10e convention, le 18 mai prochain. Alors on y va tout de suite en musique avec Drock Farben et Unreal City. We'll be right back.

Bye. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. CKRL est une espèce unique dans notre monde. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. De tout temps, des milliers de mélomanes se sont donnés pour mission de vous faire découvrir de nouveaux univers musicaux et ont atteint l'ultime frontière que les autres radios n'ont jamais osé franchir. Un monde en apparence inaccessible. Au-delà de nos perceptions traditionnelles. Du 4 au 6 avril, c'est le Radioton de CKRL, tourné vers l'avenir. Mathieu Dugal, Benoît Roberge, Raymond Poirier, Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît, Caroline and the Star Above, Olivier Bercelli, Odile Dupont, Vincent Gagnon, Laurent Patnaud, Jean-Sébastien. Il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. CKRL présente Caroline and the Stars Above. Au Bal du Lézard, le 5 avril. Caroline and the Stars Above. Au bal à 21h. $5 à l'entrée. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ciao a tutti! Ici Marco Cagliari. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être padrino d'onore, hein, parrain d'honneur du prochain Radioton de CKRL qui se tiendra du 4 au 6 avril. Soyez molto generosi, s'il vous plaît. De retour avec Bruno et Marc. Et comme vous le voyez, on est dans un thème italien. On a Marco Cagliari qui est notre président d'honneur du Radioton cette année. Et on avait un doublé italien, donc avec Not a Good Sign, leur premier disque éponyme. Et c'était la pièce Coming Back Home juste avant. C'était la Unreal City, également un nouveau groupe, et leur premier disque, La Crudeltà di Aprile. C'était la pièce dell'Innocenza Perduta. Et le bloc avait débuté avec Drock Farben. C'est un groupe de Toronto et c'est vraiment un excellent disque, un nouveau disque intitulé Second Sound. Et c'était la pièce An Answer Dreaming. Il y a beaucoup de violons électriques, puis ça fait un peu penser à Eddie Jobson, UK par moment. Le vocal est plus de la façon Yes, si on veut, avec les harmonies vocales. Ouais, il y a beaucoup d'énergie dans cet album, beaucoup de talent. Donc, Drock Farben. On poursuit donc notre dernière demi-heure musicale avec Neodym, un groupe de Montréal. Le Guetteur, c'est un album qu'ils ont réalisé qui est paru à la fin 2012. Et on écoutera la pièce Sous Prescription. Voilà, la pièce Sous Prescription. Et ensuite de ça, avec Dream the Electric Sleep, Michel vous en a présenté il y a quelques temps leur nouveau disque Heretics. Il est beaucoup meilleur que le précédent, quoi qu'il y avait des très bonnes pièces dans le précédent aussi. Et on écoutera une suite de deux pièces, Heresies avec Heretics and Elizabeth. Mais tout de suite, on y va en musique avec Neodym. Et c'est ainsi que se termine l'émission Terra Incognita. C'était le groupe Herd of Instinct, un groupe américain du Texas, tiré de l'album Conjure, la pièce Brutality of Fact. Juste avant, on avait eu Dream the Electric Sleep, un groupe américain également. Leur plus récent album Heretics, la pièce c'est Heresies. Et c'était Bruno côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et animation avec vous. En ce 29 mars 2014, soyez des nôtres puisque Vincent et Jacques sont là pour l'émission L'Autoroute tout de suite après. Alors on vous souhaite une bonne semaine et soyez des nôtres. On est le Radioton la semaine prochaine, mais à partir de minuit, il y aura le groupe The Watch qui viendra faire un tour à l'autoroute. Alors on souhaite, on vous dit soyez là la semaine prochaine et on se voit dans deux semaines. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est Denis Barry. J'anime l'opineur du chef à CKRL, la meilleure radio au monde. Soyez à l'écoute du prochain Radioton du 4 au 6 avril et s'il vous plaît, soyez généreux. Télé-Québec, la chaîne de télévision publique du Québec, propose, tout comme CKRL, une programmation unique qui a pour but de refléter la diversité sociale et culturelle du Québec. Elle encourage artistes et artisans dans leurs multiples réalisations. Cette année, Télé-Québec s'associe à nouveau au Radioton de CKRL pour vous présenter la journée du samedi 5 avril. Ne manquez pas l'équipe des Verts contre-attaque qui seront à l'antenne du Radioton dès 11h. Le Radioton de CKRL, un rendez-vous culturel axé sur les découvertes et la création. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Faites un don pré-Radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de $25 avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-Radioton.